Dossier 2, livre page 19. Moi, je m'appelle Nabil. J'ai un frère et deux sœurs. Je suis Amal. J'ai deux frères et une sœur. Moi, je suis Marc. J'ai un frère et deux sœurs. Je m'appelle Suzanne. J'ai deux frères et une sœur.